Lorsque j'étais enfant, Timonides, j'appréhendais déjà qu'il vint une nuit qui n'aurait plus jamais de fin. Et que le reste de ma vie dût s'écouler dans une obscurité totale. Était-ce un avertissement des dieux? Et cependant, César, le soleil s'est toujours levé et se lèvera encore. Sans doute. On dit que pour mourir, la plupart des hommes préfèrent ce moment où les ténèbres vont céder la place à l'aube. Il me semble entendre la nuit murmurer « Suis-moi dans ma course vers le couchant, endors-toi à jamais. » Que pourrait offrir un nouveau jour? Toi, qu'attends-tu d'un jour de plus, Timonides? Un peu de chaleur. La vie. Tu as peut-être raison. Suivons notre destin, Timonides. Don't let it bring you down, ne te laisse pas abattre. C'est le stoïcien Neil Young qui termine cette émission, donc en compagnie de Christelle Bellard. Encore merci à vous. Merci à vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la non moins stoïcienne Géraldine Mosneuf-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de danse. Et plus précisément de ce qui se passe quand on se met à danser. Il y a quelques semaines, une vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux. On y voyait Cédric Villani, le scientifique politicien, député et candidat pour la mairie de Paris, y danser. En pleine rue, en plein jour, accompagné de son équipe de campagne, lavalière et araignée accrochée à sa veste, le surdoué des mathématiques s'est déhanché sur cette chanson-là. Pour aller danser le jerk. Alors bien sûr, la vidéo a fait le buzz et évidemment pas pour saluer la performance chorégraphique de Cédric Villani. Gentiment moqué ou carrément humilié, il a pourtant été sauvé par quelques internautes bienveillants. Au moins, Cédric Villani n'était-il pas en représentation, à la différence de tous ces hommes politiques si rigides. Il s'est laissé aller, lui, à la danse, sans honte ni peur d'être tourné en ridicule. Pour ça, je suis admirative de Villani. J'étais pourtant, comme la plupart des gens au début, à la fois gênée et amusée de cet homme maladroit, gauche et pourtant volontaire sur cette piste improvisée. Puis, j'ai changé d'avis. Ma gêne amusée, mon « mais comment ose-t-il faire ça devant tout le monde ?» s'est muée en admiration. Mais oui, Cédric Villani a osé faire quelque chose en dansant. D'où ma question, que se passe-t-il quand on se met à danser? Qu'est-ce que le mouvement danser vient rompre dans notre routine bien huilée de gestes quotidiens pour retenir autant notre attention? Si le jerk de Villani a tant été regardé, c'est bien qu'il a accompli quelque chose qu'on ne fait souvent qu'en toute sécurité, avec des amis ou seul devant sa glace, dans la pénombre de sa chambre ou d'une salle polyvalente, ivre ou joyeusement pompette. Qu'a-t-il donc osé? Yeah. party, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. À quel moment ose-t-on danser là-dessus? Il faut le dire, la danse, dans sa dimension non professionnelle, est l'une des rares formes artistiques, si ce n'est la seule, qui ne nécessite pas tout un dispositif de concentration, de méthode, de connaissance. Elle n'est pas une entreprise, elle se fait sur le moment. À la différence du théâtre ou de la musique, elle n'a donc besoin que d'un corps et d'une occasion. Il y a cependant des moments plus ou moins dédiés à celle-ci. Pensez par exemple à celui qui se met à danser dans le métro, emporté par la musique qu'il écoute au casque. Gênant. Ou à l'inverse, pensez à ces passages de danse obligés. Mariage, fête d'entreprise, première soirée au collège, les booms, où l'on sait que l'on va devoir danser devant tout le monde. Si la danse est donc sans moyens, sans méthode naturelle, elle n'est pourtant pas tout le temps facile, donnée. Que ce soit pour celui qui l'accomplit ou pour celui qui y assiste d'ailleurs. C'est toujours surprenant de voir un collègue timide hurler sur l'aventurier d'Indochine ou d'examiner son vieil oncle danser le rock. Dans ces moments-là, j'ai l'impression que les gens apparaissent sous un autre jour. Ils se révèlent. En dansant, ils osent se révéler, mais que révèlent-ils vraiment d'eux-mêmes ? Je crois avoir pour ma part un rapport assez normal à la danse, légèrement plus exubérante peut-être que la moyenne. J'ai pourtant connu, comme tout le monde, ce malaise à rester assis sur sa chaise lors d'une fête. J'ai toutefois assez vite oublié le regard des autres, notamment au son des chansons de Beyoncé, et malgré un manque de grâce évident. Passé 30 ans, on a tous surmonté cette gêne, mais je suis toujours étonnée d'entendre des amis ne pas oser en soirée. Qu'ont-ils donc peur de montrer ? Eh bien, deux choses, je crois. D'abord, non pas une forme d'inexpérience physique, mais une forme d'inconfort de leur esprit avec leur corps. Ils n'ont pas honte d'eux-mêmes totalement, face aux autres, mais de mettre à nu un dysfonctionnement entre leur tête et leurs jambes, et de se rendre compte d'eux-mêmes que leur corps ne répond pas correctement à leur envie. Et puis surtout, ils ont peur, je crois, de montrer une illusion. Certes, on ne fait pas des gestes habituels en dansant, mais je crois qu'on se trompe en pensant qu'on dit tout de soi avec la danse. Car elle n'est souvent qu'une autre mise en scène de soi, une invention, bien plus qu'un lâcher de soi. Cédric Villani en est peut-être d'ailleurs l'exemple parfait, car il est, n'oublions pas, toujours en campagne. Merci Géraldine, grâce à vous, je viens d'imaginer Nicolas Berger danser aux côtés de Beyoncé à Coachella, et je vous assure que l'image est remarquable. On va le tester vraiment. On peut réécouter votre chronique en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Zaulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Audrey Guélil qui est à la prise de son aujourd'hui, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Marc Aurèle et ses pensées à moi-même. À vous-même, chers auditeurs, vous l'avez compris. Nous serons en compagnie demain de Valérie Leron et on se demandera si le destin m'empêche véritablement d'agir. La réponse de Marc Aurèle demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette première émission sur Marc Aurèle, rendez-vous sur France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h précise donc. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.